Ô Dieu, ô mon Dieu, je m'éveille et je vous appelle avant l'aurore. Soutenez-moi, Seigneur, dès le commencement du jour. Car vous le savez, je suis faible dès ce commencement. Et je regarde avec effroi la longue suite des heures qui vont s'écouler pour moi dans l'inaction et dans la peine. Je pèse dès ma première pensée la suite de ces heures fatigantes. Me pardonnerez-vous, ô mon Dieu, si je vous dis que je la trouve bien lourde? J'en connais d'avance, j'en prévois tous les détails. Il faudra supporter dans le corps cette même souffrance, persistante et ennuyeuse, que rien ne peut fléchir, qui résiste à tous les efforts et ne laisse pas un seul moment de trêve. Il faudra demeurer dans cette même inaction, plus fatigante 100 fois que le plus énergique travail. Il faudra voir la même affliction de ceux qui m'aiment et me sont chers, et le prolongement de leurs angoisses, plus cruel pour moi-même que ma propre inquiétude. Il faudra reprendre ou abandonner les mêmes remèdes, consentir à des expériences déjà tristement faites. Il faudra subir avec un visage aimable les consolations banales des indifférents et sourire à des promesses qui se mentent à elles-mêmes. Il faudra supporter les exhortations de ceux qui n'ont jamais souffert, entendre passer et rire les heureux de ce monde et demeurer jusqu'à la prochaine nuit dans la sévère clôture de cette chambre, car la chambre du malade est tout son univers. Seigneur, je prévois ces choses dès le matin, et voilà pourquoi le réveil, loin d'être de joie comme jadis, n'est pour moi qu'une cruelle blessure. Cette blessure, je ne la maudis, ni ne m'en plains, ô mon Dieu, car elle est pour mon âme comme l'aiguillon qui la presse de se jeter dans vos bras. Docile à cet appel de la souffrance, avant que le journalier ait commencé sa journée de travail, avant que la sentinelle de la nuit ait été relevée de son poste, mon cœur est déjà vers vous dans la prière. Ô Dieu, entendez mes cris et tournez vers moi votre visage, car vous seul êtes ma force, et j'ai peur du jour qui commence. Ô Seigneur, qui nous avez appris à dire « Père, que votre volonté soit faite », inspirez à mon cœur le goût divin de cette parole, afin qu'abandonné entre vos mains, je ne mette désormais mon bonheur et mes espérances que dans l'accomplissement adoré de vos volontés éternelles. Ainsi soit-il.